السلام على رسول الله ثم ما بعد. Nous allons terminer cette série de cours, Inch'Allah, avec les questions et réponses qui ont rapport avec la conférence de Cheikh Salah al-Sheikh, l'obligation de comprendre la religion. يقول السائل سؤال الأول ما هي الوسائل المعينة على التفقه في الدين. Nous allons terminer cette série de cours, Inch'Allah, et cette série de rencontres avec les questions qui ont lieu après la conférence de Cheikh Salah al-Sheikh, l'obligation de comprendre sa religion. Il dit la première question, c'est quoi les moyens qui aident pour comprendre la religion. يقول حفظ الله الحمد لله أعظم وسيلة للتفقه في الدين هي أعظم وسيلة للتفقه في دين الله أن يتقي الله العبد أن يتقي الله العبد وأن يقبل عليه راجيا خائفا لأن تقوى الله جل وعلا من أسباب ومن وسائل بل هي أعظم وسائل تحصيل العلم. قال عز وجل قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا والقرآن كله فرقان والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالفرقان ودين الله فرقان بين الحق والباطل وبين التوحيد والشرك وبين الضلال والهدى. إلى دي حفظه الله تعالى لونجا الله لميور دو مويا. Et le plus important des moyens pour comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que le serviteur d'Allah préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'ayons l'espoir dans la récompense minallah, nous n'ayons peur d'Allah azza wa jal. Car taqwa, qui est le fait de préserver les droits d'Allah, c'est l'une des plus grandes causes pour acquérir la science. Il est dit dans le verset, ô vous qui avez cru, si vous préservez les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va vous donner un furqan. Un furqan, c'est quelque chose avec lequel tu fais la part des choses. Tu sépares le bien du mal. Et le Coran, tout entier, c'est un furqan. Le Coran, il a fait la séparation entre le bien et le mal. Et le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il a ramené le furqan. Et la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un furqan qui fait la séparation entre le mal et le bien. Et entre le monothéisme et l'associationnisme, il a guidé et l'égarement. فيقول حفظه الله لهذا إذا أقبل العبد على التفقه في الدين فليكن بثاره وشعاره تقوى الله جل وعلا. دي كنت la personne commence à apprendre sa religion et à vouloir la compréhension de la religion, son emblème, il faut que ça soit, et son leitmotiv, ça soit le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est son moteur qui va lui permettre d'acquérir cette science de la religion. والتقوى في هذا معناه أن يراعي أمر الله جل وعلا وأن يراعي نهيه فيما يأتي وفيما يضر بحسب الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم ويستغفر من القصور. يجي حفظه الله تعالى التقوى dans ce sens là, dans le sens de la demande de la science, c'est que la personne doit faire très attention aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire très attention à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Il doit faire très attention aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il fait et dans ce qu'il délaisse selon ses capacités. Car il est dit dans le verset, préservez les droits d'Allah comme vous pouvez, selon vos capacités. Et aussi quand il est négligent, il doit demander pardon à Allah azza wa jal pour sa négligence. يقول الأمر الثاني من أسباب التفقه في الدين أن يكون عنده حصيلة من حفظ القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية بحسب المستطاع. لأنه كلما حفظ كان فقهه أكثر لأن الفقه وهو الفهم يكون بعض الحفظ خاصة في مسائل الشريعة فمن اعتمد على الفهم وحده فإنه يؤتى ولكن لا بد من حفظ ثم فهم للمحفوظ حتى يرسخ ولذا قال جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام فإذا قرأناه فاتبع قرآنه كان هذا قبل أفلا يتدبرون القرآن. Et le deuxième moyen, il dit, parmi les moyens qui sont une cause pour comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que la personne doit avoir mémorisé une part du Coran, une part du hadith du prophète alayhi salatu wasalam selon les capacités. Car plus il apprend, plus sa compréhension va être grande. Car le fiqh, c'est la compréhension. Et la compréhension vient après la mémorisation. Surtout en ce qui concerne les sujets de la législation. Et celui qui s'appuie tout simplement sur la compréhension toute seule, il a quelque chose. Mais il est obligatoire de mémoriser et de comprendre ce qu'on a mémorisé pour que ça s'ancre, hein, et ça se raffermit dans la personne et dans le cœur de la personne. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset, Allah s'adressant à Mohammed, tu comptes, nous l'illusions, mémorise-le. Suis sa lecture, c'est-à-dire mémorise-le. Hein. Et ceci est arrivé, ce verset est passé avant, afala ne comprennent-elles pas le Coran? C'est-à-dire, la mémorisation est passée quand? Avant la compréhension. C'est pour ça, il est de notre devoir de nous donner le moyen pour pouvoir mémoriser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et mémoriser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le hadith. C'est-à-dire que ce moyen principal, c'est la langue arabe. On est obligé d'y passer par là. Obligé. Mais cela ne veut pas dire qu'on va rester les bras croisés, hein. Il y a des trucs qu'on peut se mettre sous la dent en attendant de mémoriser, en attendant d'avoir l'arabe, en attendant d'apprendre en arabe. On ne reste pas les mains croisées. On a des choses à accomplir durant nos 24 heures, mais on les accomplit. On essaie de les comprendre partout. Par exemple, alhamdoulilah, vous avez des trucs au niveau de la jurisprudence, les cours du frère Abou Anas, et aussi les cours du frère Suleyman Al-Haïti au niveau de la jurisprudence, au niveau de l'aqida, il y a beaucoup de choses. Donc à mettre sous la dent. Mais. Je dis que tout ceci, il faut le prendre comme une béquille. À l'origine, tu marches avec tes pieds. À l'origine, tu es né à marcher avec tes pieds. Ça, c'est l'origine. Hein? Mais il arrive que tu aies un accident sur ton chemin. Eh bien, on t'a amené à l'hôpital, on t'a mis un plâtre. Hein? Ben, tu utilises le plâtre, tu es dans le plâtre avec les béquilles, jusqu'à ce que tu enlèves le plâtre, et après, tu restes avec tes béquilles. Après la rééducation, etc., tu retrouves. L'origine, c'est que tu marches avec tes deux pieds. La même chose pour la traduction. On l'utilise en attendant, mais on ne s'endort pas sur la traduction. Tant qu'on hada, on ne s'endort pas dessus. C'est-à-dire, tout en apprenant ce que nous avons durant nos 24 heures, en même temps, on donne du temps à apprendre notre langue arabe pour pouvoir lire la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir goûter aux interprétations des hommes de science et ainsi de suite. يقول حفظه الله والوسيلة الثالثة أن يكون في تفقهه في الدين على وفق منهج أهل العلم وعلى وفق طريقة السلف الصالح لأنها هي الطريقة المثلى في الفقه في الدين وأن لا يذهب إلى مسائل وأشياء تصعب عليه وتم بعد ذلك يمل من العلم فلا يكتر على نفسه من الدروس حتى لا يمل من العلم ويسير على وفق المنهج في طلب العلم حتى يتدرج فيه شيئا فشيئا. Il dit, le deuxième moyen à utiliser, le troisième moyen à utiliser pour la compréhension de la religion, c'est que cette compréhension de la religion doit se faire selon la voie des hommes de science et selon la voie du puseur d'Allah alayhim. Car c'est la meilleure des voies et la plus noble des voies pour apprendre la religion d'Allah azzawajal. Et que la personne ne doit pas aller vers des sujets qui sont plus grands que lui, qui sont difficiles. Et après, quand il va rentrer dans des sujets difficiles, il va être lassé de la science, il va lâcher. Et aussi, il ne veut pas qu'il se charge trop de cours. Il faut qu'il soit raisonnable avec lui-même. Il se fait un programme que lui, il peut suivre, sur lequel il peut être constamment, pas de coupure. Parce que toi, tu peux te charger un jour ou deux. Et après, si tu coupes 15 jours ou un mois, ça te sert à quoi? Alors que si tu organises ton temps à prendre même 3 quarts d'heure, 1 heure dans ta journée, soit le matin, soit le soir, toi selon tes capacités et selon les moments que tu peux prendre, tu peux arriver. Dans l'année, ça te fait 365 heures. Mais il faut, dans ça, être très méthodologique avec ça. C'est-à-dire, 7 heures-là, moi je me dis, entre 16h et 17h, c'est pour ça, pour apprendre. Et j'ai un programme que j'ai fait sur la semaine. Bah, 7 heures arrive ce qu'il arrive, sauf cas de force majeure. Je ne change pas. Je ne la change pas. Je reste dedans. Et avec ça, cette persévérance et cette constance, Allah subhanahu wa ta'ala, elle t'ouvre. Dis-toi bien, 365 heures dans l'année, si tu juste une petite ligne, là tu vas arriver à 365 lignes. Là, c'est énorme. Mais si on se charge trop, etc., on va faire ça peut-être un mois, peut-être 15 jours, peut-être moins, peut-être qu'un an. Et après, on lâche. Ça sert à quoi après? Si tu l'as, ça y est. Pour revenir, c'est très difficile. Beaucoup de ceux qui ont lâché, pour revenir, c'est trop difficile. C'est pour ça qu'il faut, bien, je regarde ma vie. Après, j'ai une vie, j'ai une femme, j'ai deux enfants, j'ai trois enfants, j'ai ceci, j'ai. Il faut que je regarde. Que je sois équitable vis-à-vis de tout ça, que ce soit dans une situation dans laquelle je vais être équitable avec tout le monde, avec, je dois être équitable avec Allah Azzawajal, avec moi, avec ma femme, avec mes enfants, etc. Et je prends ce Ada. Hein? Et chacun de nous sait ses capacités. Il sait comment il doit gérer son temps. Et gérer le temps, c'est quelque chose de très important. Regarde, dans notre religion, dans nos pratiques de la journée, il y a l'organisation du temps. Tu te réveilles, tu prononces quelque chose quand tu te réveilles, hein, quand tu te lèves de ton sommeil. Tu vas, tu fais le dos, tu fais le rak'at, il y a l'horaire, le fajr arrive, tu fais ton fajr, etc. Les invocations du matin. Et après, soit si tu travailles, bah, tu vas aller travailler. Hein? Soit si tu es dans le commerce, tu vas aller à ton commerce, etc. Arrive l'heure du zénith. Après le zénith, il y a d'or. Et ainsi de suite. Tout est organisé dans la vie du musulman. Donc l'organisation fait partie de notre religion. Et nous devons être organisés. Parce que ça fait partie de notre religion. Prends tes 24 heures. Ce qu'il t'est demandé, regarde comment toute chose est mise à sa place. C'est la même chose pour nous. Hein? Comment le temps que nous devons vis-à-vis de nos enfants, le temps que nous devons consacrer à nos femmes, etc., à la visite de nos familles, etc., etc. Tout ça se gère. Et c'est tout un chacun qui sait, qui connaît sa situation. Hein? Et c'est selon chacun à lui-même, de rester, de voir avec lui-même, d'étudier la situation, de faire son programme. Mais il faut être constamment dessus. Hein? En attendant, il dit que la possibilité y est pour aller apprendre chez les hommes de science. Non, c'est extraordinaire. C'est ce qui est demandé, c'est le but. Si on a les moyens, prends la famille, on prend tout le monde, on va dans un pays où on a la possibilité, nous, nos femmes, nos enfants d'apprendre. Hein? Donc, il dit, fallait que tu ailles à nafsi. Et dans tout ça, il marche d'étape en étape. Il prend la voie de tous ses plusieurs, wallah alim. يقول قد قال الزهري رحمه الله في كلمته المشهورة التي ذكرها ابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم وأهله قال الزهري من رام العلم جملة دعبه عنه جملة ولكن يطلب العلم على مر الأيام والليالي. Il nous cite aussi une parole qui peut nous pousser et voir comment les plusieurs de Allah étaient avec la science. Une parole qui est réputée de l'imam Zuhri, rahimahullah, qui était un grand tabi'i. Hein? Et Ibn Abd al-Barr, il la rapporte dans son livre qui s'appelle La réunion du bien, des vertus de la science et des gens de la science. Zuhri a dit, celui qui veut la science en entière, la science va partir complètement, il ne l'aura pas. C'est-à-dire, il veut tout d'un coup. Celui qui veut tout d'un coup, il n'aura rien du tout. Parce que ce n'est pas possible que tu aies tout d'un coup. Il y a des étapes à respecter, etc. Et il dit, la science se demande jour après jour et nuit après nuit. C'est avec le temps que tu acquiers la science, aujourd'hui, demain, après-demain, etc. يقول حفظ الله فالتدرج في العلم واخذ العلم شيئا فشيئا والفقه شيئا فشيئا هذا يتجمع مع الإنسان خير كثير. Il dit, le fait d'évoluer et de prendre la science étape par étape, il évolue d'une étape à une autre, etc., petit à petit, ceci va donner à la personne, va faire réunir chez la personne un grand bien. Un grand bien. يقول فلو أخذت في كل يوم مسألة في التوحيد ومسألة في الفقه واحدة فقط عرفتها بدقة وكررتها في مسيرك لاجتمع لك في سنتين 720 مسألة في التوحيد و720 مسألة في الفقه. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, tu prends un sujet au niveau du monothéisme par jour. Il y a un sujet au niveau de la jurisprudence par jour. Tu le maîtrises, tu le répètes à longueur toute ta journée. Et en marchant, tu répètes ce sujet au niveau, ces sujets au niveau du monothéisme et ces sujets au niveau de la jurisprudence. Au bout de 2 ans, tu auras combien? Combien? 700. 20 sujets au niveau de le fiqh et 720 sujets au niveau du monothéisme. Donc rien n'est à négliger. Ce passage qu'il a dit, c'est une façon de te montrer qu'il faut organiser le temps. يقول والآن الدراسة الجامعية في الكليات الشرعية نجد أن منهم من يتخرج وقد نسي الكثير الكثير ومنهم من بعد التخرج يرجع عاميا أو شبه عامي لأنهم في المنهج أعطاهم أكثر مما يقبلون عليه المفروض الطالب يجد ويجتهد المفروض الطالب يجد ويجتهد لكن كان أعلم أكثر من استعدادهم لذلك قل تحصيلهم il dit maintenant nous voyons il donne l'expérience de ce qui va en face de lui. Hein? Il dit maintenant les études dans les universités et dans les facultés législatives, beaucoup de gens sortent de là, ils ont oublié tout ce qu'ils ont appris. Et certains, après avoir été diplômés, deviennent gars parmi le commun ou ils ressemblent à des communs. Pourquoi? Parce que dans la voie qui a été suivie, on leur impose beaucoup de choses, qu'on demande à l'étudiant de faire beaucoup d'efforts, on leur impose beaucoup de choses. Hein? Et ils n'étaient pas capables, ils ne sont pas capables de, peuvent, sauf certains. Il y aura toujours des gens qui vont avoir des capacités plus. Mais lui, il parle de généralité, de cas qui ont été vus. Je me rappelle que, cher Moukbir Rahimahullah, il avait un camarade de classe qui était yéménite à l'université de Médine. Il ne l'a pas vu depuis longtemps et ce camarade de classe qui était son ami, il est venu lui rendre visite. Et cette personne, à un moment donné, comme il était camarade de classe avec Cheikh Moukbir Rahimahullah Ta'ala, Cheikh il avait besoin d'une recherche d'un mot. Il lui a donné un dictionnaire de la langue. Il lui a dit, trouve-moi tel mot. Il ne savait plus le faire. Pourquoi? Parce que il n'a plus de regard sur la science, il n'a plus rien. Et Cheikh il raconte cette histoire. Pourquoi? Pour dire aux gens, attention, il faut constamment qu'on ait un regard sur le monothéisme, qu'on ait un regard sur la jurisprudence, etc. Et qu'on mette en application. Parce que si on n'a pas constamment un regard et qu'on ne révise pas, il est évident que ce qu'on a appris va partir. يقول لهذا نقول تأخذ مسألة مسألة شيئا فشيئا 700 أسئلة في التوحيد و 700 مسألة في الفقه هذه إذا صارت معك. Il dit c'est pour ça nous disons que tu prends la science, étape par étape, sujet après sujet. Il dit 700 sujets au bout de 2 ans, au niveau du monothéisme. Et 700 sujets. Et 700 points au niveau de la jurisprudence au bout de 2 ans sont arrivés avec toi. Pourquoi? Parce que tu as évolué, tu as appris petit à petit. Hein? Tu t'es pas encombré. Hein? Et donc, il n'y a pas eu de lassitude. Hein? Et des fois, même combien, quand tu te mets un minhaj, une voie à suivre, fais très attention. Et des fois, tu as envie d'aller. Stop. Parce qu'il va te pousser. Et après, peut-être que le lendemain, tu vas dire, tiens, mais j'ai fait plus hier. J'ai fait le temps que je dois faire aujourd'hui. Ben, je l'ai fait hier. Ou peut-être que tu vas te dire, j'ai passé le triple du temps. Donc, demain et après-demain, je ne fais pas. Fais très attention à ça. Parce que Shaitan, lui, il ne se lasse pas. Il utilise tous les moyens, des moyens que nous, on croit que c'est. Des fois, il vient, il t'a une idée, tu viens comme ça, tu crois que c'est une bonne idée. En réalité, c'est une dictée d'Il Shaitan qui vient, et c'est un moyen, il t'embellit une situation. Alors, il ne va pas te sortir comme ça, il ne va pas te dire comme ça, viens, pour t'éjecter là. Il t'embellit une situation, il te la ramène sur un plateau au nord. Mais derrière ce plateau au nord, il y a la perte après. Tu vas lui répondre. Ça va peut-être durer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et après, c'est la faille. Il arrivera au but. Donc, il faut faire très attention aussi. Tu te donnes une voie. Tu restes. Tu respectes cette voie-là. Et en plus, tu t'aides avec dua. Ou demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te raffermir. Et de t'aider. Et de te donner la sincérité. Et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas qu'on oublie dua. On fait et on n'oublie pas dua. Tout le temps. Dans n'importe ce que nous voulons faire. Hein? Parce que des fois, on est insouciant du dua, on ne le fait pas. Et ça, c'est très dangereux pour nous. Nous avons besoin de dua. On fait, mais on se rend compte qu'il faut toujours avoir à l'évidence qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous accomplir, qui peut nous aider à accomplir. Donc, il ne faut pas oublier, il faut profiter des moments où le dua va être exaucé. Quand il pleut, hein, les dernières heures entre l'Asr et le Mughrib, le jour du vendredi, les derniers tiers de la nuit, et ainsi de suite. Il y a plein de moments où le dua est exaucé. Entre l'Adhan et l'Iqama. Hein. Tout ça, ce sont des moments. Demande à Allah, Azza wa Jal, hein, ne sois pas avare dans le dua. كذلك ثم بعد ثم بعد سنتين 1400 وبعد 20 سنين تجتمع عندك آلاف المسائل وهذا هدوء ولكنه قوة ورسوخ. Il dit après les deux années vont arriver, le double que tu as acquis, 1400 et quelques sujets dans les deux domaines, dans le monothéisme, etc. Si tu continues dans cette voie là et les années passent, il va avoir plus de sujets encore. Et ça veut dire une tranquillité, une constance, une force. Et une science qui s'ancre. وَلَكِنَّهُ مَعَ سُهُولَتِهِ صَعْبٌ أَنْ يُطَبِّقَهُ إِلَّا مَنْ هُوَ مُقْبِلٌ عَلَى الْفِقْهِ حَقِيقَةً. Et il dit malgré que cette voie est facile, hein, il est difficile de le mettre en application. Sauf celui qui veut réellement comprendre sa religion, celui-là, il s'acharne, il le met en application. Il est facile de prendre un petit moment dans sa journée. Un sujet et deux, et après, un sujet ou deux. Ou là, au début, il commence juste avec un sujet, dans chaque domaine. Hein, et il part. Il dit, ça, c'est facile. Ça paraît facile. Mais en réalité, il est très difficile à le mettre en application et à rester constamment dessus, tous les jours. Hein. Mais il est facile pour celui qui cherche réellement la compréhension de sa religion et pour celui pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu facile. Il dit لأن النفس تتمنى الإكثار ما يكفيها القليل وتتمنى الإكثار وتظن أن هذا مثلا الإكثار من المال لا هذا إذا أخذت منه شيئا لست في استعداد له ذهب عنك. Il dit, parce que le nefs de l'être humain souhaite avoir plus. Le peu, ça ne lui suffit pas. Il veut avoir plus. Et il y met tout le temps le souhait d'avoir plus. Et il croit, le nefs de la personne croit, que c'est comme l'argent, il faut avoir plus. Hein? Et il dit, dans cette situation-là, dans la demande de la science, si tu prends quelque chose et tu n'es pas capable, tu n'as pas les capacités, il va partir. Hein? Il va partir. يقول الرابع من الوسائل أنك إذا علمت شيئا علمه وعمل به لأن التعليم وسيلة من وسائل ثبات العلم والعمل وسيلة من وسائل ثبات العلم. قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. فقد قال السلف رضوان الله عليه من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. Il dit حفظه الله تعالى le quatrième moyen pour acquérir cette science et pour que ce soit facile, c'est quand tu sais quelque chose, tu apprends quelque chose, tu la mets en application et tu l'enseignes. Les premiers à qui tu vas l'enseigner, d'abord ma femme, mes enfants, ce sont la priorité des priorités. Donc je l'apprends, je le mets en application et je l'enseigne à ceux que je peux et en priorité à ceux qui sont ceux ma responsabilité. Et, car le fait d'enseigner est un moyen de ancrer la science dans le cœur de la personne et dans la mémoire de la personne. Et le fait de mettre en application est un moyen aussi pour que cette science reste avec la personne et se confirme dans l'esprit et dans le cœur de la personne. Il dit dans le verset, il sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et repens-toi de tes péchés. Et il a mis dans le verset en priorité le savoir et après la mise en application. Le savoir et la mise en application vient après. Il dit dans l'autre verset, s'il faisait les leçons, s'il mettait en application les leçons qui leur ont été données, ça aurait été un grand bien pour eux et ça aurait été une grande confirmation pour eux. Et ça aurait été une grande raffermissement pour eux. Parce que s'ils mettent en application, on met en application, ça se confirme dans la vie de la personne. Regarde des choses que tu mets en application, tu ne les oublies pas. Et certains puiseurs, Wallah alim, ils ont dit, et ça c'est pas un hadith, celui qui met en application ce qu'il a appris, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'héritage de ce qu'il ne sait pas. Il met en application ce qu'il a appris, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'héritage de ce qu'il ne sait pas. يقول ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يوطن النفس أن يوطن نفسه أنه إذا علم مسألة يشرحها لا يقول له هذا فوق مستواه اشرحها بالطريقة التي يستجيب لك تثبت عندك تثبت عندك وتنفع زوجتك وتنفع أختك وتنفع والدتك تنفع من حولك تنفع صديقك لكن بحث العلم ونشره والعمل به هذا من أعظم الوسائل لتثبيت العلم. Il dit حفظه الله تعالى ce qu'il appartient à celui qui demande de la science, c'est que il s'impose à lui-même quand il connaît un sujet qu'il explique aux autres, qu'ils disent pas que ça c'est plus haut que leur niveau. Et là, il leur explique de quoi? Il leur ramène à leur niveau. Hein? Tu leur parles à un niveau qu'ils comprennent. Hein? Pour qu'ils puissent répondre à ton appel et apprendre. Et en agissant ainsi, cette science va se raffermir chez toi. Il va s'ancrer en toi et dans ton cœur. Et dans ces cas-là, tu vas être bénéfique pour toi-même en priorité, pour ta femme. Tu vas être bénéfique pour ton frère, pour ta sœur, pour ta mère, pour ton père. Tu vas être bénéfique pour ceux qui t'entourent et pour tes amis. Enfin, le fait de rechercher la science, de la propager, de la mettre en application, ça fait, c'est un des grands moyens pour la raffermir dans le cœur des personnes. يقول ثم الوسيلة الأخيرة الدعاء والرغب إلى الله جل وعلا أن يمنحك الفقه في الدين وخاصة في أوقات الإجابة التي يرجى أن يجيب الله جل وعلا فيها الدعاء. من يريد الله أن يهديه يفقه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فاسأل الله سؤال ملح أن يمنحك الفقه في الدين وأن يثبتك على ذلك لأن هذا أعظم من الدنيا وما عليها. Il dit le dernier moyen c'est le dua. C'est de t'orienter vers Allah Azza wa Jal, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner la compréhension de la religion. Il dit surtout, il faut le faire au moment où les du'as sont exaucés min Allah Azza wa Jal. Et tu fais du'a en espérant que Allah subhanahu wa ta'ala, en croyant que Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'exaucer à l'islam. Et il dit Hafidhahu Allah ta'ala, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut guider, il lui donne la compréhension de la religion. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien, il lui donne la compréhension de la religion. Il dit, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Une demande, tu insistes dans tes demandes. Tu insistes dans ta demande que Allah subhanahu wa ta'ala te donne la compréhension de la religion et que Allah subhanahu wa ta'ala te raffermi sur la voie de la demande. Car ceci est beaucoup plus important que les choses de ce bas monde et de ce monde, de ce qu'il contient. يقول حفظه الله تعالى هل في الفقه في الدين سلامة من مضلات الفتن في مثل هذا الزمان. Il dit la deuxième question, est-ce que dans le fait de comprendre sa religion il y a le fait d'être épargné et d'être sauvé des égarements et des perturbations à notre époque. يقول حفظه الله لا شك أن الهداية للسبيل ولسبل الله عز وجل متنوع في سبيله الواحد إنما يكون بالمجاهدة. قال جل وعلا في أول سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وذكر في السورة جل وعلا أنواعا من الفتن المختلفة، فتنة الشهوات والفتنة بالوالدين والفتنة بانتشار الشرك كما في قصة نوح عليه الصلاة والسلام ومكثه 1000 سنة إلا 50 عاما ولم ينصر وأنواعا من الفتن. وذكر دواءها وعلاجها في آخر الصورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكما ذكرت يقول أن أعظم الجهاد تطوع العلم والتعلم، فإن هذا من أعظم بل من أرفع أسباب النجاة من الفتن. Il dit, حفظه الله تعالى, il n'y a aucun doute que le fait d'être guidé sur la voie, il fait d'être guidé vers le chemin du bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, hein, qui sont les chemins du bien, dont le seul chemin d'Allah Azza wa Jal. Et ceci n'arrive qu'avec en faisant des efforts sur soi-même. Il est dit dans Sourate Al-Ankabout au début, est-ce que les gens croient que quand ils vont croire, on va les laisser comme ça, qu'ils ne vont pas être perturbés, qu'ils ne vont pas être muftounin? Nous avons perturbé ceux avant eux. C'est-à-dire le fitna est arrivé à 100 avant eux pour que Allah subhanahu wa ta'ala chasse qui sont les véridiques et qui sont les menteurs, qui vont tenir au moment des épreuves, au moment des fitnes, et qui vont lâcher. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Ankabut, qui est la surat de l'araignée, a cité un certain nombre de perturbations, de fitnes, hein, les différentes fitnes. La fitna avec les tentations. La fitna par rapport aux parents, par rapport aux enfants, par rapport à la femme, etc. La fitna avec la propagation de l'associationnisme, comme dans l'histoire de Nuh alayhi salatu wassalam. Il est resté 1000 ans moins 50 ans dans son peuple. Et peu de gens lui ont répondu. Et d'autres formes de fitna sont citées dans surat Al-Ankabut et dans beaucoup de versets du Coran. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala a cité le remède et le médicament contre ces fitnes. Comment s'en guérir? Il est dit à la fin de sourate, l'araignée, ceux qui font des efforts en nous, c'est-à-dire des efforts pour Allah, azzawajal, nous allons les guider vers le chemin. Le chemin ici, il ne faut pas croire, le chemin de Allah est un seul chemin. Mais ici, les chemins du bien, les différents chemins du bien, les différentes voies, les sérogatoires et les différents chemins du bien, cette personne sera accomplie sur ces chemins qui font partie du seul chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala avec ceux qui font les choses bien, avec les bienfaisants. Et il dit, comme je l'ai cité, comme il l'a cité dans la conférence, le plus grand des jihad au niveau des combats surrogatoires, c'est la science et la demande de la science et l'enseignement de la science. Et il dit, c'est l'un des grands moyens avec lequel on est sauvé des perturbations. C'est l'un des grands moyens pour être sauvé des perturbations. C'est avec ça que tu jettes les ambiguïtés. Avec ça que tu t'éloignes des tentations. Parce que la science que tu as, que tu mets en application, va t'arrêter à tes limites. Et cette science aussi va te protéger des ambiguïtés. يقول ولهذا في السورة نفسها بين الله تفصيل ذلك في قوله أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Il dit, c'est pour ça que dans cette même sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a donné des détails de certaines choses. Il a dit, récite ce qu'il t'a été révélé du livre et accomplis la prière, car la prière éloigne de la turpitude et du blâmable. Donc, le fait d'accomplir sa prière, etc., éloigne de la turpitude et du blâmable et de toute forme du mal. Et l'invocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il invoque Allah, azzawajal, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est le plus grand, et Allah, subhanahu wa ta'ala, sait ce que vous faites. Il dit, un سؤال ثالث, هل من يتفقه في دين الله هل من لم يتفقه في دين الله لم يرد به خيرا أم لم ترد له الهداية حسب مفهوم الأحاديث التي سبقا ذكرتموها. Il dit, حفظه الله تعالى, est-ce que celui qui n'a pas la science, qui n'a pas appris la science de la religion, qui n'a pas compris la religion de Allah, est-ce que celui-là, il lui a pas été voulu du bien, ou ce qu'il a guidé n'a pas été voulu pour lui selon ce qu'on doit comprendre des hadiths que vous avez cités auparavant? Il dit, حفظه الله الهداية والخير ينقسم إلى كمال وإلى درجات. Il dit, la guidée et le bien est divisé en degrés. Il y a le sommum et il y a des degrés plus bas encore. Il y a le sommum et entre le sommum et le bas, il y a des degrés, que ce soit dans le guidé ou que ce soit dans le bien. Ce n'est pas une seule étape, c'est plusieurs étapes. يقول فمن يريد الله به تمام الخير وكمال الهداية يمنحه الفقه في الدين. Il dit, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut la guider complète et le bien complet, il lui donne la science de la religion. ومن لم يتفق الفقه الواجب في التوحيد العيني والفقه الواجب في عبادته هذا ليس بمسلم اصلا لانه ليس معه توحيد وليس معه عبادة. Il dit, حفظه الله تعالى اي لي بارول سونت او بارول ديال السير صالح الشيخ حفظه الله اي سولوي كي نا با ابري ce qui est obligatoire pour lui l'obligation il n'a pas compris il n'a pas appris ce qui est obligatoire au niveau de l'obligation individuelle en ce qui concerne le monothéisme et le fiqh obligatoire pour lui dans ses adorations il dit celui-là il n'est pas musulman à l'origine car il n'a pas de monothéisme avec lui il n'a pas d'adoration avec lui يقول حفظه الله من لم يتفقه الفقه الكفائي فهذا مسلم ومؤمن لكنهم درجات فله من الهداية بحسب استقامته لكن كمال الهداية وكمال الخيرية موعود به أهل العلم كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني أن حقيقة الخير وكمال الخير إنما يؤتي الله جل وعلا على من أقبل على الفقه في الدين il dit quant à celui qui n'a pas appris le fiqh et la science du domaine de l'obligation collective. Il dit ça, c'est un soumis à Allah, c'est un croyant. Mais les croyants sont des degrés, ils sont à des degrés différents. Et celui-là, il aura de la guider par rapport à sa droiture dans la religion d'Allah Azza wa Jal et par rapport aux actes qu'il accomplit. Mais la guidée complète et le bien complet, qui en a la promesse ? Ceux qui ont la promesse, ce sont les gens de science. Comme il dit dans le verset, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la science de la religion. C'est-à-dire celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien complet. Hein? Ça veut dire que la réalité du bien et le bien complet, Allah subhanahu wa ta'ala le donne à qui ? À ceux qui ont accouru vers la compréhension de la religion. Et il dit, حفظه الله تعالى, la question pour la cinquième question, il dit, ما توجيه فضيلتكم لمن لا يرى طلب العلم للناشئة بحجة أن طلب العلم ليس بأهم من التربية وأن طلب العلم يأتي بعد ذلك. Il dit, voici une question. Il dit, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un, votre éminence, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui ne voit pas le fait d'enseigner la science aux petits ? Parce que la demande de la science vient après l'éducation. C'est-à-dire que la science doit se faire après l'éducation. Ça, c'est ce qu'il y a dans la question. Il dit, حفظه الله, وهل تم وسيلة للتربية أعظم من العلم ? Ibn Abbas, radiyallahu anhu, قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى آخر الحديث il dit حفظه الله تعالى est-ce qu'il y a un moyen pour l'éducation qui est plus important que la science الرسول صلى الله عليه وسلم pas cité petit encore il lui dit oh غلام comme quoi pour nous dire qu'il était petit le Roulam c'est un jeune petit garçon il dit à Roulam je vais t'apprendre quelques mots mémorise-les je vais t'apprendre quelques mots préserve Allah, Allah il te préservera comment ça préserve Allah il préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il va te préserver préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu le trouveras devant toi c'est-à-dire il ne va pas être devant toi non mais au moment des difficultés il t'aidera il te fera triompher, il t'accomplira dans le bien, et ainsi de suite. Et quand tu demandes, demande à Allah. Et quand tu cherches aide, cherche-la auprès d'Allah, Azza wa Jal, jusqu'à la fin du hadith. Alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'éducateur par excellence. Et il est venu pour éduquer, pour orienter vers le bien. Et donc, hein, le petit, il lui a enseigné. Il lui a enseigné quoi ? Il l'a lié avec Allah, Azza wa Jal. Hein ? Il lui a enchaîné un sujet de, au niveau du monothéisme. Tout ce que tu veux, demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu auras préservé les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu demanderas quelque chose à Allah, tu le trouveras. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera. Il te facilitera les situations. Si c'est un bien pour toi. Et quand tu demandes à Allah, quand tu cherches aide dans ce que ne peut faire qu'Allah, tu ne le demandes qu'à Allah azza wa jal. Il y a des choses que tu peux demander à quelqu'un de vivant qu'il peut faire, t'aider dans quelque chose d'autre choix, ça y a pas, ça rentre pas dedans. Mais les choses que ne peut faire qu'Allah, donner la vie, donner les enfants, donner la science, donner, te guérir, etc. Tout ceci, tu ne le demandes qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne d'autre. Yaqul, hafidhahu Allah, wa huna waqfatan, jawabun ala su'al. Il dit ici, il va faire deux haltes pour répondre, pas pour la réponse à cette question. Il dit, l'oula, ilhad, qawlahu, wa'allimuka. Fatarbiyatul ghulman, tarbiyatul shabab, bitta'lim, alladhi yunasibu mustawahum. وبالطريقة المحببة إلى أنفسهم هذه هي الطريقة الصحيحة وهي الطريقة النبوية وهي الطريقة السلفية التي عملها السلف الصالح لكن ليس معناه أن تأخذ أبو 9 سنين أو 10 سنين تقول له ادرس كتاب واشرح هذا بحسب اختلافات الناس واستعداداته لكن التعليم هو وسيلة التربية الجهي البرومي بوان الذي أبصر La parole du prophète, je vais t'apprendre, je vais t'enseigner. Donc il dit, l'éducation des petits et des jeunes, les éduquer avec le moyen qui leur convient et qui convient à leur niveau et de la meilleure des façons et d'une voie qu'ils aiment et qui est agréée par eux-mêmes et qu'ils aiment, d'un style qui leur convient et d'un style qui leur plaît. Ça, c'est la bonne voie. Et c'est la voie sur laquelle était notre prophète, alayhi salatu wasalam, et c'est la voie d'El Salaf al-Dwanullah alayhi. Mais il dit, ceci, ça ne veut pas dire que tu prends un gamin d'un avant 10 ans et tu lui dis, lis l'interprétation de ce livre. Il dit, non. C'est pas comme ça. Il dit, mais l'enseignement, c'est un moyen de l'éducation. Donc ça veut dire que ce qu'il y a donc contenu dans la question, il faut. Hein? Et donc il faut, on enseigne aux enfants, mais on prend en considération leur âge et les sujets qu'ils peuvent, qui sont de leur niveau. On ne les amène pas à des choses qu'ils ne vont pas capter. On ne leur impose pas des choses qu'ils ne peuvent pas. Yaqul, thumma qal idha sa'alta fas'alillah. وإذا استعنت فاستعن الله فاستعن بالله احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاك يقول هذا تعليم لتوحيد الله جل وعلا فإذا لا صلاح في التربية إلا بالتعليم وخاصة تعليم التوحيد وما به صلاح النفوس لكن الوسيلة كيف تعلم كيف ترسل هذه المعاني إلى النفس هذه تختلف باختلاف الناس والاستعدادات والزمان والمكان ميلدي يغمارك كنت دوموند يلويدي كنت دوموند دوموند الله Que tu cherchais, cherche-la auprès d'Allah. Préserve les droits d'Allah, Allah il te préservera. Préserve les droits d'Allah, tu le trouveras à tes côtés. C'est-à-dire, il va t'aider, il va te faciliter la situation, etc. Il dit, ça c'est un enseignement du monothéisme. Il dit donc, il n'y a pas une bonne éducation sans l'enseignement. Il faut un apprentissage. Il n'y a pas d'éducation sans apprentissage et sans enseignement. Surtout l'enseignement du monothéisme. Et surtout l'enseignement avec lequel on purifie les êtres et leur intérieur. Mais il dit, les moyens, comment enseigner, comment envoyer, comment faire rentrer le message dans le cœur de la personne ou du petit garçon, de la petite fille, il dit, ou dans l'esprit des gens, ça, c'est différent d'une personne à une autre. Et selon les capacités des uns et des autres. Et c'est différent d'un lieu à un autre, et d'une époque à une autre. يقول حفظه الله هل حفظ القرآن الكريم مقدم على طلب العلم الشرعي؟ Ils disent que maintenant, mémoriser le Coran, on a l'arabe, c'est une question qui concerne les arabophones dans un pays de l'islam. Donc, ils disent que le fait, la mémorisation du Coran, c'est elle qu'on doit mettre en avant par rapport à la science de la législation, à la demande de la science de la législation. يقول إذا أنس من نفسه استعدادا لحفظ القرآن ومقبل وإقبالا عليه فيحفظ القرآن الكريم كاملا هذا أفضل في حقه وهو الذي كان عليه علم عمل العلماء فيما مضى، لا يقبلون من يقرأ عليهم إلا بعض حفظ القرآن. Il dit, s'il trouve qu'il est prêt, il a la capacité de mémoriser le Coran, il a envie qu'il le fasse, qu'il mémorise le Coran, et c'est mieux pour lui. Et c'est la voie sur laquelle étaient les hommes de science dans le passé. Ils n'acceptaient personne qui n'a pas mémorisé le Coran dans le cercle d'enseignement. Quand un petit, un jeune, il arrive, s'il n'a pas mémorisé le Coran, il l'envoie d'abord dans le cercle pour l'apprentissage. يقول وقد حدثني احد مشايخنا حفظهم الله يقول رحم الله الميت وحفظ الله الحي يقول اتيت للشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله فقلت له اريد ان اقرا عليه فقال حفظت القران قلت لا فقال اذهب احفظ القران ثم ائت لتقرا قال فغبت عليه 6 أشهر معي همه وعزيمه حفظت فيها القران ثم اتيت بعد هذا فقلت يا شيخ انا حفظت القران احسن الله اليك قال اقرا قال فاختبرني في مواضع ثم قال بارك الله فيك قال اقرأ في كتاب كذا في كتاب كذا دخل في الحلقة. يقول حفظه الله تعالى certains de ses chouyoukh الله سبحانه وتعالى le préserve. Il dit que الله سبحانه وتعالى couvre de sa sainte miséricorde les morts, qu'il préserve les vivants. Il dit, lui a dit, j'ai été voir Cheikh Mohamed ibn Ibrahim rahimahullah. Cheikh Mohamed ibn Ibrahim al-Sheikh fait partie de la descendance de Mohamed ibn Abdullah rahmatullah alayh, et c'est le mufti avant Cheikh Ibn Baz rahimahullah, et c'était un des chouyoukh de Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, et de beaucoup de grands mashayikh que nous avons maintenant, c'était un de leurs grands chouyoukh. Il dit Cheikh Mohamed ibn Ibrahim, il m'a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de ses saintes miséricordes, est-ce que tu as lu le Coran, est-ce que tu as mémorisé? Il est venu, le jeune lui a dit, je veux m'asseoir et apprendre chez toi. Il dit, est-ce que tu as mémorisé le Coran? Lui a dit non. Il lui a dit, va mémoriser le Coran et viens après pour l'apprentissage. Il a dit, s'il a absenté 6 mois, il a vu une grande aspiration, une grande volonté, il a mémorisé le Coran et il est revenu. Et il est venu vers Cheikh, il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse, j'ai appris le Coran, je viens pour l'apprentissage, pour la science. Il lui a dit, vas-y. Il lui a fait un examen dans différents endroits du Coran, et quand il a vu, il a dit, tu lis tel livre et tu rentres dans tel cercle d'enseignement. Il est rentré dans les cercles d'enseignement. Ainsi ils étaient. Al-Dwanullah alayhi. يقول حفظه الله الذي عنده قوة في الحفظ وإقبال يحفظ القرآن ثم بعد ذلك يلتحق بحلق العلم وإذا كان عنده من الوقت ما يحفظ به بعض من القرآن ليحضر في بعض حلق العلم ويحضر في بعض وقت حلق العلم. Il dit, celui qui a la force de mémoriser le Coran et qui a la capacité de le faire, qu'il le fasse. Et après, il va dans les cercles d'enseignement. Ce serait très, très bien pour lui. Et s'il a du temps pour apprendre, juste le temps pour apprendre un peu le Coran et aller aux assises de l'enseignement, qu'il fasse ainsi. Hein? Qu'il fasse ainsi. Il mémorise et après il va à l'apprentissage aussi et au cercle d'enseignement. يقول لكن حفظ القرآن هو العلم لأنه بما تحتج به من لا سلاح عنده وحجة وبرهان بالقرآن فبما يحتج نحتج بمفاهيم أو بآراء إنما الحجة في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Il a dit, mais le fait de mémoriser le Coran c'est la science, parce que l'origine de toute science c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est la preuve. C'est avec ça que tu accomplis la preuve. Celui qui n'a pas d'armes et qui n'a pas de preuve, hein, du Coran, avec quoi il va accomplir la preuve? Il va accomplir la preuve avec des données, avec des définitions, avec des opinions. La preuve s'accomplit avec le livre d'Allah et l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. يقول حفظه الله فلقد أحسن ابن القيم رحمه الله إذ يقول في نونيته والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني والعلم أقسام 3 ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم الميعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. وقال في موضع آخر: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. Il dit, حفظه الله تعالى, il cite un des poèmes de Ibn al-Qayyim رحمه الله عليه dans sa Nounia, qui dit: l'ignorance est une maladie qui tue. Ils sont remèdes, et pour s'en guérir, il est donc de choses qui sont identiques dans la composition. Un texte du Coran, une sunna, et ce médecin qui est ce savant divin, c'est-à-dire le savant divin ici, ce savant éducateur qui te prend par la main, on t'éduque comme par le biaba, pour te faire évoluer dans les sphères de la science. Et il dit, et la science, c'est trois sortes. Il n'y a pas une quatrième sorte. Et la vérité, elle est claire. Il dit, la connaissance des attributs d'Allah, de ses actes, de ses noms, hein? Et aussi la connaissance des ordres d'Allah et de ses interdits, qui est sa religion, et la connaissance des récompenses du jour de la résurrection. Et tout ça, il dit, il est dans le Coran et dans le Sunan, que nous a ramené celui qui a été envoyé avec le Furqan, avec ce message avec lequel il y a eu la séparation entre le bien et le mal. Et il a dit, rahimahullah, dans un autre passage dans Sanunia, il a dit, l'ilm, la science, c'est Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, sahaba ont dit, ce sont eux les gens de science. Ce sont eux les gens de science. Et il dit, فَإِذَا لَّبُدَّ مِنْ حِفْظِ الْقُرْآنِ لِتَكُونَ الْحُجَّةَ قَوِيَّةَ الَّذِي لَا يَحْفَظُ الْقُرْآنِ كَيْفَ يَحْتَجَ الَّذِي مَا يَحْفَظُ مِنَ السُنَّةِ بما قدر له بما يحتاج وما يستدل به. يقول هذا عجب. Il dit, حفظه الله تعالى, celui, il est obligatoire, à son opinion, il est obligatoire de mémoriser le Coran pour que la preuve de la personne soit très forte. Il dit, celui qui ne mémorise pas le Coran, comment il peut ramener la preuve? Celui qui ne mémorise pas une part de la sunna du prophète qu'il peut mémoriser, comment il peut accomplir la preuve? Il dit, ça c'est une situation extraordinaire. Il y a d'autres hommes de science, hein, qui ne voient pas le fait, hein, d'apprendre le Coran complètement. Et donc, par exemple, tu prends une situation de chez les francophones, etc. On arrive à un certain âge, etc. On doit apprendre ce qui est obligatoire pour nous. Et donc, on apprend ce qu'on peut du Coran, on mémorise et en même temps on regarde les interprétations de ce qu'on mémorise pour bien le méditer et pour le comprendre, et quand on le lit dans notre prière, etc., qu'on puisse prendre goût à nos prières, qu'on comprenne ce qu'on est en train de dire, pour que ça atteigne le cœur, que ça radoucisse nos cœurs et ça casse la dureté qu'il y a dans nos cœurs, et qu'on apprenne aussi ce qui est obligatoire pour nous, et que c'est, hein, la possibilité se présente et les moyens sont à notre portée, partir à l'apprentissage. Et à ce moment-là, quand on arrive à un certain âge, il est évident, c'est beaucoup plus difficile de mémoriser. Donc tu prends ce qui est prioritaire pour toi. Mais quand tu as l'enfant qui est jeune, à 8 ans en avant, etc., tu l'orientes vers l'apprentissage du Coran. Tu le mets parce qu'il va mémoriser. Il est Zahir d'Allah, il disait, le fait d'apprendre, de mémoriser quand on est jeune, c'est comme le fait de graver sur la roque. Et la mémorisation, quand on est âgé, quand on arrive à un certain degré, à un certain âge, etc., c'est comme si tu graves sur de l'eau. Tu vois la différence? Là, tu graves de la roque, ça reste. Regarde ces gravures préhistoriques à travers le monde, dans les montagnes. Ils ont traversé les siècles. La même chose, la mémorisation du petit va rester avec lui. Hein? Parce qu'il a mémorisé un âge où il est frais. Il n'y a rien dans son épilepsie. Ça s'ancre facilement. Hein? Et donc, si nous, on a raté cette étape-là, qu'on ne la fasse pas rater à nos enfants. Hein? Qu'on ne fasse pas. Si nous avons été des pneus crevés, que nos enfants ne soient pas ainsi. Qu'on ne répète pas les mêmes erreurs. Hein? وفي الختام في ختام هذه اللقاءات لابد من الدعاء والشكر للإخوة الذين دعونا إلى هذه الكلمات إنهم في الحقيقة سعوا إلى نفعنا. Et en résumé, et à la fin de ces rencontres, Inch'Allah, obligatoire de faire dua pour ceux qui ont été à l'origine de ces rencontres, parce qu'en réalité, ce qu'ils ont fait, ils ont été bénéfiques pour nous avant tout, pour moi le premier. D'accord ? Et donc, Sallallahu alayhi wa sallam, Rabbi al-Arsh al-Azim, Nijzihum khayran, wa ninfa'ahum, wa ninfa'abihim, wa nijalana wa iyahum wa iyakum min al-muta'awinin ala al-birri wa al-taqwa. كما سأل المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم من الساعين في الخير وأن يجزي كل من يسعى في الخير وأن يجزي كل من قام على الخير إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يجعله في ميزان حسناته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ونشكر لكم ولكل من ساهم في هذه اللقاءات وبذل فيها من وقته ومن ماله وسعى فيها، وهذا لا شك من القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله العظيم أن يتيب الجميع وأن يجعل ما يقدمونه حجة لهم نور ونورا بين أيديهم يوم لقاء الله عز وجل. ثم نسأل المولى عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى ويرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على إقامة الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.